Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche de Homo sapiens. Nous partons pour Mars. Grâce aux explorations martiennes, nous savons depuis 50 ans que les petits hommes verts n'existent pas, mais les scientifiques sont toujours en quête de traces de vie sur la planète rouge. Car la grande question au fond, c'est la vie. S'est-elle développée ailleurs que sur Terre ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Pour nous emmener dans ce voyage interplanétaire, le meilleur spécialiste français de Mars, Francis Rocard. Francis Rocard est astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre national d'études spatiales. Ce scientifique vit dans un monde de pierre et de poussière. Son bureau est à Paris, mais son esprit est à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre, sur la planète qui intrigue et impressionne les chercheurs depuis toujours. Il va vous faire découvrir les gigantesques canyons, les vallées impressionnantes, les volcans démesurés de Mars que seuls des robots ont pu pour le moment arpenter. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière. Sur France Inter. Mars est une petite planète de couleur rouge, visible à l'œil nu. Mars a toujours été observé de par tous les temps, l'Antiquité. Une planète en grec, ça veut dire astre errant. Donc les observateurs distinguaient les étoiles fixes des astres qui, d'un jour à l'autre, s'étaient déplacés dans le ciel. Donc ça, c'était connu. En plus, elle est rouge, donc elle est facile à observer. Et Mars a un comportement extrêmement intrigant pour les observateurs. Son orbite est elliptique et donc elle ne respecte pas les lois qui supposaient que les astres tournaient sur des cercles. Et donc quand vous êtes sur une ellipse, votre vitesse varie et donc ça ne collait pas. Autre phénomène qui intriguait beaucoup à l'époque de Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ, c'est le fait que Mars, tous les ans, avait une phase rétrograde. De temps en temps, Mars devenait stationnaire, ne bougeait plus, et repartait dans l'autre sens, rétrograde, faisait une boucle. Et hop, repartait dans le sens habituel. Et ça, ça a beaucoup embêté les observateurs. Finalement, on ne comprenait pas bien ce qu'on voyait, sachant qu'on faisait l'hypothèse que la Terre était le centre de l'univers. Vers 1600, un grand observateur, Tycho Brahe, qui observait à l'œil nu, avait une base de données. C'est le terme moderne. Donc en fait, il avait beaucoup observé Mars, il avait beaucoup observé la Lune, et il était en bisbis permanent avec un théoricien qui s'appelait Kepler. Kepler, un peu malingre, protestant dans un pays où les protestants étaient un peu martyrisés, une mère un peu folle et sorcière qu'il fallait empêcher de mettre au bûcher, donc il était préoccupé. Mais vers 1600, Tycho Brahe en fin de vie et Kepler, le beau théoricien, arrivent à s'entendre. Et Tycho Brahe dit à Kepler, tu vas t'occuper de la Lune. Et Kepler dit, oui, la Lune peut-être, mais moi ce qui m'intéresse c'est Mars. Et il est assez vantard et il dit moi je vous en 3 semaines je vais éluder le mystère du mouvement de Mars qui était un mouvement mystérieux qui ne respectait pas les lois notamment sur le mouvement continu sur des cercles. Il va mettre 9 ans à le faire. Bon, mais il va y arriver et Kepler va établir les 3 lois qui portent son nom, les 3 lois de Kepler. Et à partir de ces 3 lois, Newton fait une synthèse et ça s'appelle la loi de la gravitation universelle. Avec Mars, on a trouvé la gravitation. C'est quand même une belle histoire. Mars a joué un rôle capital parce que son orbite est elliptique. Après l'invention de la lunette, on est en 1610, c'est Galilée, on commence à regarder Mars avec un certain grossissement. C'est très difficile, Mars. C'est tout petit. Et en général, elle est assez loin. Et en plus, quand elle est près de la Terre, 56 millions de kilomètres au minimum, c'est la période des tempêtes et Mars est un peu trouble. Donc en fait, les conditions d'observation de Mars sont très difficiles. La première chose qu'on voit, c'est une calotte polaire. Et donc, assez rapidement, les observateurs disent « Waouh, sur Mars, il y a une calotte polaire, donc il y a de la glace, donc il y a de l'eau, donc il y a de l'eau liquide, donc il y a de la vie. » Et beaucoup d'observateurs vont penser que, bien évidemment, cette planète est habitée. Et ensuite, on va basculer assez rapidement au 19e siècle, avec des personnages hauts en couleur, notamment Percival Lowell aux États-Unis, un industriel riche qui va se consacrer à l'astronomie, qui va construire son observatoire et qui va se consacrer uniquement à l'observation de Mars. On n'a pas d'appareil photo, n'existe pas encore. Donc, subrepticement, pendant une fraction de seconde, on voit des choses au moment où l'atmosphère se calme, ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Et Percival Lowell est convaincu qu'il voit énormément de canaux martiens. Il commence à établir des cartes, il en découvre 400 canaux. La thèse de Percival Lowell concernant ces canaux, c'était que, évidemment, ils étaient tellement rectilignes qu'ils étaient artificiels, qu'ils étaient fabriqués par des bulldozers, que des martiens étaient extrêmement évolués sur le plan industriel, mais les martiens vivaient une catastrophe climatique. Il y avait plein de glace au pôle, on la voit, et néanmoins, Mars subissait une sécheresse à l'équateur, là où on peut faire des cultures, qui était dramatique. Donc, les martiens ont entrepris un projet fou qui est de creuser des canaux depuis les pôles jusqu'à l'équateur pour faire fondre la glace et amener la glace et irriguer les plaines de l'équateur. C'était ça la thèse de Percival Lowell. Et il faudra attendre 1920 pour que Antoniadi, qui est un Italien qui travaille à l'observatoire de Meudon, sur la grande lunette de l'observatoire à Meudon, et il a cette phrase assassine dans un livre en disant que plus l'instrument est performant, plus les canaux, les prétendus canaux, se désagrègent et disparaissent. Donc les canaux sont une illusion d'optique. 20 mai 1946, la Tribune de Paris. Que risquons-nous de trouver dans la planète Mars lorsque nous y serons parvenus? C'est la question que nous posons ce soir. Et cette question n'a rien de fantaisiste. Les évocations passionnées d'un romancier comme H.G. Wells ou d'un homme de radio comme Orson Welles risque dans un proche avenir d'être confronté avec la simple et stricte réalité. Le voyage dans Mars, le contact avec les martiens, s'il y en a, n'appartiennent plus au domaine du fantastique. Les savants y consacrent leurs travaux et l'on se préoccupe dès à présent de soumettre ces travaux à l'épreuve des faits. Nous avons en ce moment dans notre studio Monsieur Ananoff, directeur de la section astronautique des aéroclubs universitaires et scolaires de France. Pensez-vous qu'un départ pour Mars soit possible? Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse un jour proche, je l'espère, aller sur Mars ou même sur la Lune. L'un des points les plus importants a été soulevé concernant le moteur nucléaire, la base de tout le problème, le moteur qui doit dans l'avenir propulser la fusée astronautique. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il sera seul à même de nous permettre de réaliser les performances astronautiques. On vient d'entendre Alexandre Ananoff, qui est un des pères de l'astronautique en France, mais aussi de l'astronautique mondiale. Et il a le raisonnement que beaucoup de gens ont eu, comme Von Braun, comme tous les gens qui ont fabriqué des fusées, avaient cette idée, Korolev aussi, de dire « bon, aujourd'hui nos fusées vont pas très loin, on va en orbite, mais derrière on ira sur la Lune et Mars ». On est juste après-guerre, Hiroshima vient d'avoir lieu, et donc c'est pour ça qu'il parle de propulsion nucléaire, parce qu'il connaît les lois de la physique et il sait qu'avec le nucléaire, on a des performances bien plus importantes dans tous les domaines, y compris dans la propulsion. Dans les années 50, on commençait à avoir des observations qui mettaient un tout petit peu en doute la croyance des martiens. Mais on n'avait pas vraiment de certitude sur le fait que Mars était habitable. 27 octobre 1953, Paris vous parle, l'astronome Audouin Dollfus. Audouin Dollfus, vous êtes en ce moment à votre poste d'observation à Meudon. Vous avez devant vous votre lunette. Comment se présente la planète Mars lorsqu'on la regarde? Eh bien, si on regarde d'abord à côté des lunettes, on voit un petit point lumineux dans le ciel, une simple petite tache très lumineuse, une étoile brillante, mais très franchement rouge d'aspect, orangé. Et si maintenant on regarde dans la lunette, on voit dans le champ un très beau petit globe, également la même couleur orangée, qui a à peu près le diamètre, dans les meilleures conditions, le diamètre d'une orange tenue à bout de bras. Il est rouge parce que la plupart de la surface du sol est recouvert de quelque chose comme de l'oxyde de fer. Comment se présente ce sol? Est-il plat? Eh bien, nous savons peu de choses sur le relief parce que dans les lunettes, nous ne pouvons pas voir directement les montagnes et les collines. Mais nous pouvons voir les conséquences, n'est-ce pas, de ce relief. Par exemple, dans l'atmosphère de Mars, nous savons qu'il y a des petits nuages, des voiles de nuages. Quelquefois, ces nuages sont accrochés par le relief. Mars est entouré d'une atmosphère, n'est-ce pas, comme la Terre elle-même. Et le climat est régi par cette atmosphère très ténue, principalement de l'azote. Et quelle température fait-il? Alors la température, elle, est plus basse que sur Terre, parce que Mars est plus éloigné du Soleil, par conséquent elle reçoit moins de chaleur. C'est compris, les régions polaires les plus froides, n'est-ce pas? La température descend à moins 60 degrés, c'est très froid. À midi, à l'équateur, dans les conditions les plus chaudes, on peut avoir plus 10 ou plus 20. Aude Adolphus, en 1953, utilise la grande lunette de Meudon, qui existe encore. Il parle des nuages qui sont accrochés au relief, donc il suppute qu'il y a des reliefs, puisqu'il interprète ça comme des nuages, qui est une bonne interprétation, parce qu'au début, le mont Olympe, l'Olympus Mons, qui est une montagne de 25 km d'altitude, c'est en fait un volcan, c'est appelé le Nyx Olympica, c'est-à-dire les neiges de l'Olympe. Les gens pensaient que c'était de la neige. En fait, c'était pas vrai. Et Aude Adolphus a raison, c'était des nuages d'altitude qui s'accrochent sur les reliefs. Il dit que l'atmosphère est riche en azote. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'azote, ou 2%. Il n'y a pas d'oxygène sur Mars, mais ça aussi, on s'en doutait. Il dit que c'est très froid, c'est même encore plus froid. Il fait moins 100 la nuit. Il dit le jour, oui, 10 degrés. Là, il a raison. C'est à peu près les températures. Il dit moins 60 au pôle. Non, non, on est à moins 120 au pôle, moins 130, moins 140. Ça descend très, très bas. Donc, il y avait la dynamique était un peu fausse, mais les mesures allaient dans le bon sens. Avec l'arrivée de l'ère spatiale dans les années 60, pour une raison évidente, les soviétiques, vont viser Mars très très vite. Et là, la révolution spatiale va tout changer. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. C'était David Bowie, Life on Mars. toutes les aventuriers sur France Inter. La course à l'exploration de Mars a donné lieu depuis les années 60 à une cinquantaine de missions qui n'ont pas toutes été couronnées de succès, mais qui ont permis d'en apprendre beaucoup. Francis Rocard, astrophysicien. Avec les débuts de l'ère spatiale, Sputnik en 57, Gagarine en 61, très vite, URSS, États-Unis vont vouloir envoyer des sondes dans l'espace lointain. Je ne vais pas vous raconter tous les échecs parce que ça serait un peu long, mais la première sonde qui va être envoyée vers Mars et qui va survoler Mars avec succès, c'est Mariner 4. Et Mariner 4, on est en 65, elle va nous apporter 22 images, pas une de plus, puisque un survol c'est très rapide, et là on déchante. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? On voit un paysage lunaire, un paysage de cratères d'impact, absolument pas de fleuves asséchés, absolument pas de traces d'eau, rien du tout. Ça ressemble étonnamment à la Lune. Là, tout d'un coup, le mythe des Martiens va commencer à s'effondrer sérieusement. Et peu de temps après, 6 ans plus tard, c'est les Américains encore, en 71, premier orbiteur planétaire de l'histoire, Mariner 9. Et Mariner 9 se met donc en orbite et va commencer à cartographier la planète globalement, des résolutions assez médiocres, on est à 1 ou 2 kilomètres, et là on découvre tous les reliefs. 13 novembre 1971, France Inter. Après 462 millions de kilomètres, après 6 mois et demi de voyage, l'engin américain Mariner 9 a été placé cette nuit sur orbite martienne. C'est la première fois qu'un engin fabriqué par l'homme est satellisé autour d'une planète du système solaire, autre que la Terre bien sûr. Mariner 9 doit prendre 5000 photos de la surface de Mars. Déjà, plusieurs clichés ont été transmis à la Terre. Le sol de la planète rouge paraît recouvert d'importants nuages de poussière. Mariner 9 en 71, donc, est en orbite. Le journaliste de l'époque parle de 5000 photos, en fait, ça sera beaucoup plus. Et en gros, on va découvrir tous les reliefs majeurs de Mars. Tous. Valles Marineris. Pourquoi Marineris? Parce que c'est des Mariner 9 qui l'a découvert, c'est ça l'histoire. Et Valles Marineris, c'est quoi? C'est un grand canyon qui fait la largeur du continent nord-américain, 5000 km, c'est pas rien, 10 km de profondeur, 200 km de large, c'est une gigantesque balafre martienne, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas liée à l'eau, c'est en fait la croûte qui a craqué, parce que il y a eu un soulèvement magmatique, le sol s'est soulevé d'environ 5 km d'altitude, et à un moment, ça a craqué. Et ça a créé Valles Marineris. On va découvrir les grands volcans de Mars. Il y en a très peu, mais ils sont gigantesques. Olympus Mons, 25, 26, 27 km de haut, ça dépend des références, fait la taille de la France. 600 km de diamètre. Et il y en a comme ça très très peu. Il y en a 5, 6 des énormes volcans sur Mars. On découvre les calottes, on découvre la nature des calottes, et on commence à observer, et ça commence à... C'est là où le mythe rejoint la réalité. Je trouve ça tout à fait fascinant. C'est-à-dire que là où les canaux martiens étaient une illusion d'optique, on va découvrir deux grands phénomènes liés à l'eau sur Mars, qui s'appellent les vallées ramifiées, c'est-à-dire des fleuves asséchés, tout simplement. On a des images de fleuves asséchés, ça se voit. Il faut pas être très malin pour voir qu'on a un fleuve asséché sur une image. Et on voit une autre chose assez étonnante, ce sont les vallées de débâcle. Et les vallées de débâcle, c'est le fait que de l'eau ressort du sous-sol martien, ça c'est l'interprétation aujourd'hui qu'on en fait, et des quantités d'eau même gigantesques, gigantesques. Ça peut être 100 mètres de profondeur d'eau sur une centaine de kilomètres de large. Donc vous imaginez la quantité d'eau que ça représente. Et comment on le voit? On le voit parce que cette eau érode. On en voit absolument partout, et certaines vallées de débâcle font 2000 kilomètres de long. Donc c'est gigantesque. Donc de l'eau sur Mars, pour clore ce sujet, il y en a eu énormément. Simplement, elle est épisodique. Mariner 9, c'était 1971, et derrière, un projet majeur va être lancé, et qui va être un énorme succès sur le plan technique, ce sont les sondes Viking. Et donc on va envoyer 3 expériences pour identifier la vie aujourd'hui sur Mars. 4 septembre 1976, France Inter. L'engin spatial américain Viking 2 s'est posé à 1h du matin exactement, 1h du matin heure française, sur la planète Mars. Tout s'est passé parfaitement et à l'heure prévue. Il y a donc à l'heure actuelle 2 engins spatiaux américains sur la planète rouge, ce qui va permettre évidemment d'avoir un peu plus de détails encore sur la mystérieuse planète chère aux auteurs de science-fiction. Cela dit, c'est un nouveau succès pour les techniciens américains, Lucien Barnier. L'arrivée réussie de Viking 2 dans la plaine martienne d'Utopie confirme bien la grande maîtrise américaine pour l'exploration des planètes. Viking 2 se trouve dans une zone particulièrement favorable au développement maximum d'une éventuelle vie martienne. Comme sur la Terre, la bande des parallèles 40-50 correspond à une zone tempérée où la vie martienne éventuelle se trouverait dans les conditions d'un confort maximum. Il est à noter que sur la Terre, cette bande de 2200 km de largeur est celle des grandes capitales de la planète, de New York à Tokyo, en passant par Paris, Londres, Rome et Moscou. D'autres paysages martiens vont arriver jusqu'à nos téléviseurs. Ils nous donneront un peu plus la sensation de franchir l'espace interplanétaire et de saisir aisément cette planète particulièrement fascinante qu'est la planète Mars. 1976, donc les projets Viking, je précise qu'aujourd'hui, seuls les Américains se sont posés sur Mars. L'Europe, la Russie, ils ont tous échoué. Donc c'est pas si simple de se poser sur Mars. Énorme succès technologique, énorme déception scientifique, puisque les trois expériences Viking ne trouvent pas de vie. Et donc le commentaire qu'on vient d'entendre, qui est très enthousiaste en disant « il n'y a pas de problème, on va trouver la vie », ben non. En fait, il n'y a pas de vie en surface sur Mars, pour des tas de raisons. Et la conclusion de Viking, c'est Mars est trois fois stérile en surface, parce que vous n'avez pas de couche d'ozone, c'est-à-dire que les UVB, ils touchent la surface, ils vous tuent les bactéries. Il n'y a pas d'eau liquide en surface. Or, l'eau liquide est une condition nécessaire à la vie, jusqu'à preuve du contraire. Et troisième raison, le sol, et ça c'est une découverte de Viking, est très oxydant. Et un sol très oxydant, bah, c'est pas un endroit habitable pour une petite bactérie. Donc, en surface, aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars aujourd'hui, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de la vie sur Mars, il y a 4 milliards d'années. Les projets Viking ont été une étape très importante dans l'exploration de Mars. D'une part, la masse de données que les Vikings ont accumulée sur la cartographie a été, pendant une vingtaine d'années, abondamment utilisée. Et puis, cette déception de la non-découverte de vie a, au moment où les Américains lançaient un an plus tard les Voyager, il y a eu un désintérêt de Mars pendant une vingtaine d'années. Et il a fallu reconstruire un argumentaire scientifique plus raisonné qui s'appelle en anglais « follow the water, follow the carbon, follow the life », c'est-à-dire d'abord l'eau, puis le carbone, puis la vie. Et 30 ans plus tard, c'est toujours cette stratégie qui est en œuvre. Le retour martien des Américains date de 1996 et avec une mission technologique Mars Pathfinder qui est sur le plan scientifique pas très intéressante, sur le plan technologique et médiatique a été absolument incroyable puisque c'est la première mission online sur Internet. Et donc 1 milliard de connexions. Donc dès que vous avez des images au sol, tout d'un coup le public, un petit machin qui roule et qui fait 3 mètres, ça passionne les foules. Donc gros succès médiatique des Américains avec Pathfinder et rien sur le plan scientifique. Néanmoins, on apprend à se poser, ce qui est fondamental. Mars Odyssey en 2001, un clin d'œil à Stanley Kubrick, c'est un instrument important qu'on appelle un spectro gamma et neutron qui va nous dire que sur Mars, aux latitudes moyennes, c'est-à-dire en plus et moins 50 degrés de latitude nord et sud, dans le premier mètre d'épaisseur, il n'y a pratiquement pas d'eau. Et ça, c'est une donnée solide. Après, l'Europe arrive, première mission martienne en 2003 qui s'appelle Mars Express, et je pense que c'est la découverte la plus importante depuis une quinzaine d'années, qui a été faite par un Français, Jean-Pierre Bibring, et sur un instrument que le CNES a financé, donc on est un peu content de nous. C'est un instrument infrarouge que je détaille pas, et qu'est-ce que cet instrument va trouver? Il va trouver des roches sédimentaires hydratées par l'eau, des argiles, des sulfates hydratés. Et aujourd'hui, là où on se pose sur Mars, Curiosity et les missions suivantes, ça sera sur des endroits où il y a des argiles, parce que ces argiles ont 4 milliards d'années, ce sont les restes, à certains endroits extrêmement rares sur Mars, où on pourrait apporter la preuve que la vie est apparue il y a fort longtemps. My écouter Georgia Smith, Where Did I Go? Les aventuriers sur France Inter. Francis Rocard, astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Au début des années 2000, les scientifiques convainquent la NASA qu'il est important d'aller au sol de Mars, parce que ce sol est extrêmement divers, et cette diversité ne peut s'appréhender qu'avec la mobilité. Et donc apparaît l'ère des rovers, donc des robots mobiles en français, et on va avoir deux succès importants. Alors déjà, Pathfinder avait un tout petit rover, c'était une voiture téléguidée, hein. Il faisait 10 kilos. On va le faire un peu plus gros. Et en 2004, arrivent deux jumeaux positionnés aux antipodes sur Mars, Spirit et Opportunity. À 3 semaines d'écart, 2 atterrissages qui se passent très bien. Et ensuite, la saga de Spirit et Opportunity va durer, et dure encore pour Opportunity, puisque en 2018, Opportunity est toujours vivant. Donc il avait 14 ans qu'il crapahute, il a dépassé le cap du marathon en termes de distance. Spirit a eu un peu moins de chance, une roue s'est bloquée, donc à un moment il est tombé en panne et tout s'est terminé. Du point de vue des découvertes de Spirit et Opportunity, je dirais qu'on a un peu mieux compris localement ce qui se passait sur ces terrains, mais pas de grande révolution sur l'histoire de Mars. Les deux jumeaux Spirit et Opportunity sont des véhicules, des 6-6 pour les spécialistes des voitures tout-terrain sur Terre, c'est-à-dire 6 roues et 6 roues motrices, alimentées par des panneaux solaires. C'est un point important puisque c'est plus simple que de mettre une pile nucléaire, on verra plus tard. Le problème des panneaux solaires, c'est qu'on n'est absolument pas sûr que ces panneaux vont ne pas être submergés par la poussière, puisque sur Mars, il y a énormément de poussière. Et donc, dès que le vent se lève, et ça arrive fréquemment, la poussière va dans l'atmosphère, et vous avez parfois des tempêtes globales qui fait que l'atmosphère devient totalement opaque, et ensuite elle retombe gentiment sur les panneaux solaires. Et donc, la durée de vie de Spirit et Opportunity a été vendue par le Jet Propulsion Laboratory pour 3 mois. Eh bien, en fait, il y a eu une grande surprise, une bonne surprise, c'est qu'il y a des dust devils, donc des tornades de poussière, qui ne sont pas dangereuses, contrairement à ce qu'on voit dans le film Seul sur Mars, et qui ont un effet extrêmement bénéfique, c'est que ces poussières ne collent pas. Et ça, c'est un résultat de Spirit et Opportunity. Et donc, quand la tornade de poussière passe sur les panneaux solaires, elle vous les nettoie complètement. Donc, ça régénère la capacité électrique, et ça explique pourquoi Opportunity a réussi à vivre 14 ans, parce que régulièrement, ces panneaux solaires étaient nettoyés, et donc avaient suffisamment d'énergie pour avancer. Ces deux rovers sont absolument identiques. Ils sont équipés d'un bras manipulateur et ce bras a quelques instruments à l'extrémité. Un instrument d'analyse des roches qui vous donne la composition géologique des roches, qu'on appelle un spectromètre à fluorescence X. Un instrument un peu particulier qui s'appelle le Mossbauer qui s'intéresse au fer. Mars est rouillé à cause du fer qui a la couleur de la rouille. Et donc cet instrument, le Spectro-Mossbauer, est uniquement dédié au fer et donc a fait des analyses assez pertinentes sur la nature minéralogique du fer sur Mars. Et on a la réponse, il y a de l'hématite notamment, il y a des oxydes de fer, donc tout ça c'est de la géologie martienne qui est maintenant bien comprise. Vous avez aussi une caméra infrarouge sur le mât qui n'a pas apporté d'informations très importantes parce qu'il y a de la poussière partout. Et vous avez des caméras de navigation, donc des yeux stéréoscopique, et ça, c'est pas de la science, c'est pour naviguer. Et donc, les caméras calculent la distance des trous et des bosses, donc des cailloux, pour éviter de tomber dans un trou ou pour contourner un caillou. Donc ça, c'est la navigation autonome des rovers qui fonctionne assez bien par un calcul interne du champ de vision du rover. Donc après les petits rovers de 200 kilos qui étaient Spirit et Opportunity, le Jet Propulsion Laboratory en Californie est passé à l'étape suivante, qui est une étape beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus chère d'ailleurs en termes de coûts. Ça consiste à envoyer véritablement une voiture autonome sur Mars, qu'on appelle le Curiosity, qui est un énorme rover d'une tonne. Encore une fois, c'est un 6-6, donc là on a simplement grossi la taille, mais on lui a rajouté une pile nucléaire pour s'affranchir des problèmes d'énergie liés aux poussières sur Mars. Et on a pu, pour la première fois, poser Curiosity sur un site argileux. On, on s'intéresse beaucoup aux argiles sur Mars. Et les argiles, c'est la signature de ce qui se passait il y a à peu près 4 milliards d'années, au moment où on pense que la vie a pu apparaître. Et donc, pour la première fois, Curiosity a été posée dans un lieu où il va pouvoir directement analyser ces argiles. 6 août 2012, Euronews, avec John Holden, premier conseiller scientifique de Barack Obama. Jamais la NASA n'avait envoyé engin aussi sophistiqué sur une autre planète. 10 ans de préparation, un voyage de 8 mois, une descente à haut risque dans l'atmosphère martienne. Curiosity peut partir sur les traces des mystères de la planète rouge. Aujourd'hui, en ce moment même, les roues de Curiosity sont en train de frayer un chemin pour les premiers pas de l'homme sur Mars. Si certains ont eu des doutes sur le leadership américain dans l'espace, il y a un morceau de génie américain de la taille d'une voiture d'une tonne qui se trouve sur la surface de Mars en ce moment exactement. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde, en tout cas, ont suivi l'événement, toujours captivés par les mystères de la planète rouge. En effet, il y avait du monde, j'y étais. Et je peux vous dire que la joie était immense parce que le plus difficile dans ces missions, c'est l'atterrissage. Le reste, c'est facile, si on ne fait pas de bêtises. Et on n'en fait pas beaucoup. Donc dès qu'on est posé, l'explosion de joie est immense parce qu'on sait que derrière la mission va pouvoir avoir lieu et c'est ce qu'on a vécu au mois d'août 2012. Et effectivement, Curiosity est une superbe machine, une technique d'atterrissage extrêmement sophistiquée que seuls les Américains ont maîtrisée. C'était typiquement une technique dont on disait ça ne marchera jamais et ça a marché. Et ensuite, on s'est mis à explorer ce cratère. Ce cratère a été un lac, donc il s'est rempli d'eau. On voit des galets, c'est-à-dire que des galets de rivière, c'est-à-dire que le qu'est-ce que c'est qu'un galet de rivière? C'est un caillou qui a roulé dans l'eau et qui s'est arrondi. Et c'est ce lac à un moment s'est asséché et en s'asséchant, il y a eu beaucoup de limon et ce limon s'est solidifié dans une boue qui a formé une roche sédimentaire et tout ça a été analysé dans le détail et donc on a maintenant des certitudes locales du vécu de ce cratère. Il faut savoir que ce cratère est situé exactement à la frontière entre les plaines du Nord et les plateaux cratérisés, ce qu'on appelle la dichotomie de Mars. Et donc on pense que comme beaucoup d'eau a ressurgi du sol, cette eau se déverse du haut vers le bas. C'est naturel, même sur Mars. Et donc l'eau a franchi le cratère, et a traversé le cratère et ressorti de l'autre côté. Donc il y a eu des kilomètres cubes d'eau qui ont dû passer à travers. Et il y a un mystère assez incroyable dans ce cratère, c'est qu'il y a une montagne de la taille du Mont Blanc. 5000 mètres de haut. Et qu'est-ce que fait cette montagne au milieu d'un cratère? C'est unique, les autres cratères n'ont pas cette montagne. Donc c'est très mystérieux. Et en fait on pense que toute la région s'est sédimentée de sédiments épais, de 5 km d'épaisseur, et que ces sédiments ensuite par l'eau se sont ravinés et seul le centre, où il y a un petit pic central, a subsisté. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'autres explications pour expliquer une montagne de 5000 mètres au milieu de ce cratère. Curiosity, depuis août 2012, vaille que vaille, est en train d'atteindre son objectif. Il est plus lent que ce qu'on pensait, parce que le terrain est beaucoup plus difficile que le terrain d'Opportunity et de Spirit, et parce qu'il se met à gravir la montagne. Alors, juste le pied, hein, vous inquiétez pas, il ne va pas monter au sommet, mais rien que monter 200 mètres pour un rover dans un terrain extrêmement chahuté, ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus, il y a un combat interne à l'équipe Curiosity entre ceux qui veulent aller vite pour atteindre l'objectif final et ceux qui veulent analyser tout de suite en disant ce qui n'est fait n'est plus à faire, donc faisons-le maintenant, sinon on va peut-être rater quelque chose. Et donc ce combat qui est permanent depuis 5 ans a fait que le rover en moyenne s'est déplacé en moyenne sur 5 ans de quelques centimètres par seconde. Aujourd'hui au compteur, Curiosity doit être au niveau de 17 km à peu près et on va atteindre à la fin de la mission 23 km. Et ensuite, je pense qu'on va appuyer sur le bouton off. On écoute Barbagallo sur France Inter, la Lune. Je m'appelle la lune. Le sol de Mars est le Graal des scientifiques depuis plusieurs décennies. Seuls des échantillons de sol martien pourront nous dire si oui ou non notre planète voisine a pu abriter la vie. Des missions sont en préparation pour aller chercher quelques kilos de cette précieuse matière qui permettra de répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Francis Rocard, astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Aujourd'hui, l'aventure martienne continue et il y a des projets en cours et des projets en préparation. Pour ce qui est des projets en cours, nous avons le TGO, le Trace Gas Orbiter, donc un orbiteur d'analyse de gaz trace. Trace veut dire en quantité faible, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est la détection du méthane. Et le méthane nous intéresse beaucoup parce que il est détruit en permanence sur Mars. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de couche d'ozone, donc les UV détruisent le méthane. Donc s'il y a du méthane, ça veut dire qu'il est produit en permanence. Et là, la grande question, c'est comment? Alors, la version la plus enthousiaste, c'est de se dire, il y a des bactéries méthanogènes, les mêmes qui sont dans l'œsophage des vaches, qui sont dans le sous-sol martien et qui relâchent du méthane en permanence. Deuxième hypothèse, vous avez des réactions dites de serpentinisation à haute température dans le sous-sol de Mars. Si on a des points chauds, à peut-être 200 ou 1 km de profondeur sur Mars, peut-être que la réaction de serpentinisation se produit. CO2 plus H2O donne du méthane, CH4, et ce méthane diffuse et ressort. Deuxième hypothèse extrêmement intéressante. Alors pourquoi elle est intéressante? Parce que si vous avez 2000 degrés dans le sous-sol, vous vous éloignez un peu, vous avez moins de 100 degrés, de l'eau liquide, un milieu habitable, des bactéries qui peuvent vivre. Donc ça ouvre des opportunités excitantes à l'idée d'une vie actuelle sur Mars. Troisième hypothèse, la peut-être la moins excitante, mais il faut aussi en parler, c'est que ce méthane a pu être fabriqué il y a fort longtemps sur Mars et a été piégé dans des clathrates. Il faut savoir que les clathrates, c'est des cages de glace d'eau qui piègent une molécule de méthane. Ça vous bouche un oléoduc d'un mètre de diamètre, les clathrates. Et donc, s'il y a des clathrates sous Mars, peut-être qu'une cage s'ouvre, la molécule de méthane se diffuse et on a un petit peu de méthane qui arrive comme ça. Donc, le méthane est intéressant. Il y a eu beaucoup de détections de méthane antérieures. Pour aller vite, je dirais, aucune n'est vraiment concluante. Même si elles sont avérées, ces détections, on n'est pas capable de comprendre ce qu'on détecte. Donc on attend beaucoup de TGO, le deuxième orbiteur européen qui est actuellement en orbite autour de Mars, et on attend les résultats. Dans le cadre du programme européen ExoMars, donc TGO d'une part, mais il y a également, 4 ans plus tard, en 2020, le rover qu'on appelle Pasteur, qui est le premier rover européen qui va se poser sur Mars. Et ce rover, il a une batterie d'instruments très sophistiquée, mais il a surtout une foreuse. Alors, cette foreuse a la capacité de forer 2 mètres, ce qui est déjà beaucoup. Sur Mars, l'atmosphère est très ténue, donc les rayonnements cosmiques, solaires et galactiques vont passer à travers l'atmosphère, et ces rayonnements cumulés sur 4 milliards d'années vont vous couper en petits morceaux toute molécule organique qui existerait dans le sous-sol, sur 1 mètre, et donc va les faire disparaître. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est ce carbone qui a pu se synthétiser il y a 4 milliards d'années, au moment où peut-être la vie est apparue, eh bien, on veut creuser en dessous de cette couche qui aurait été détruite par les rayonnements cosmiques, d'où la foreuse à 2 mètres. Donc ce rover Pasteur, il va être lancé en 2020, et donc à partir de 2021, il va se promener sur Mars, et on aura les premiers résultats dans l'année 2021. Dans le programme d'exploration actuel de Mars, il y a une mission un peu que je mettrai à part, qui s'appelle InSight. Elle a un objectif qui est complètement différent de tout ce qui a été fait auparavant, puisque son objectif, c'est d'étudier l'intérieur de Mars. Et connaître l'intérieur de Mars, c'est important pour connaître toute l'histoire de la formation, de l'évolution de cette planète. Et indirectement, ça nous permet de mieux comprendre si la vie a pu apparaître sur Mars. Donc finalement, il y a un lien indirect avec la problématique de la vie. Ça consiste à poser un sismomètre sur Mars. Et ce sismomètre est actuellement en croisière, il est en voyage. Il a été lancé en mai dernier et il va se poser fin novembre. Donc on attend beaucoup de ce sismomètre, il est français. Les Américains sont venus nous chercher parce que nous avions le meilleur sismomètre. Et nous, on a été absolument ravis. Et donc à partir de fin novembre, on vivra en direct le déploiement de ce sismomètre. Et derrière, on va voir si Mars tremble, qui serait lié à des activités de type tectonique. Vous avez aussi les impacts qu'on va détecter. Et toutes ces sources sismiques diverses nous donnent des informations sur la structure interne. Donc l'épaisseur de la croûte, cette épaisseur nous informe sur l'histoire de la formation de cette planète. Dans le futur, et c'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, la problématique de la vie sur Mars ne pourra être réellement tranchée qu'avec un retour d'échantillons sur Mars. Ça veut dire qu'il faut prélever des cailloux sur Mars, il faut les ramener sur Terre pour les analyser. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ça vaut 4 fois le prix de Curiosity. Voilà, il faut 10 milliards environ. Et donc, c'est en préparation. Il y a une mission Mars 2020 qui, comme son nom l'indique, va être lancée en 2020, qui va collecter des échantillons. Mais derrière, il faut un autre engin qui va se poser pour prendre le conteneur plein d'échantillons, l'envoyer en orbite. Un troisième engin qui va récupérer ce gros ballon de basket, qui est un conteneur, et le ramener sur Terre. Donc il faut 3 missions, 3 lancements de fusées depuis la Terre. C'est pour ça que c'est complexe, difficile et coûteux. Mais scientifiquement, tout le monde est unanime aux États-Unis, en Europe et en France pour dire c'est la mission importante à faire avant d'envoyer des hommes sur Mars. Alors, rapporter des échantillons sur Terre, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que les capacités d'analyse au laboratoire sont sans commune mesure avec ce qu'on fait sur Mars. Et en plus, si on fait une découverte majeure sur Mars, il y aura un scientifique pour dire « je suis pas d'accord avec l'interprétation, il faudrait faire une autre mesure » et ça prend 10 ans de plus. Donc quand vous avez l'échantillon au laboratoire, ce débat scientifique va avoir lieu, mais il va aller beaucoup plus vite. Après, il faut pas polluer Mars, il faut pas qu'on envoie nos bactéries pour les générations futures, même si Mars est hostile, on n'est pas sûr à 100% que nos bactéries ne peuvent pas survivre sur Mars. Donc il faut être très propre, il faut éviter les faux positifs, là aussi il faut être très propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai amené une bactérie et puis je crois faire une analyse en trouvant la vie sur Mars. En fait, c'est ma bactérie terrestre que j'analyse. Ça, c'est un faux positif. Et ça, c'est une catastrophe. En pratique, on est plus propre qu'en chirurgie. On est tellement propre sur ExoMars qu'on n'est pas capable de mesurer la propreté. Parce que la mesure de la propreté pollue. Donc on arrive un petit peu à une aberration entre les exigences de propreté qu'on se donne et la réalité. Mais il va falloir être aussi extrêmement prudent sur ces échantillons martiens qui, potentiellement, contiennent de la vie. Comme on n'est pas capable de démontrer le contraire, il faut considérer que ces échantillons sont potentiellement dangereux. D'où la nécessité d'avoir 3 enveloppes étanches dans notre conteneur, de les mettre dans un laboratoire de haute sécurité totalement étanche, pour éviter que, potentiellement, ces échantillons polluent notre planète et combien de films de science-fiction racontent des histoires horribles de ce type. Donc, ça coûte cher. Et cette exigence de propreté a des contraintes qui induit des surcoûts typiquement de l'ordre de 30%. Le retour d'échantillons martiens, c'est d'une part une très très forte priorité scientifique et d'autre part une nécessité de démontrer qu'on sait faire l'aller-retour. C'est tout bête. Mais quand vous aurez fait un aller-retour avec des échantillons, je suis sûr qu'il y aura plein de commentateurs qui vont dire « Vous voyez, c'est pas si compliqué, maintenant on peut y envoyer des hommes, on pourra les ramener. » Et je dirais aussi que l'échantillon va permettre de savoir si Mars est toxique pour l'homme. S'il est toxique, il va falloir prendre des mesures particulières. Même, on a eu ce problème sur la Lune. Les hommes ont goûté la poussière lunaire. Ça a le goût de la poudre à canon. Mais c'est pas toxique, sinon ils seraient morts. Donc, sur Mars, on se pose cette question. 2017, l'homme qui voulait plonger sur Mars, un documentaire de Thierry Robert sur Elon Musk. Nous voulons que Mars devienne une véritable possibilité. Nous voulons y arriver de notre vivant pour que vous y alliez. Pour créer une ville entièrement autonome sur Mars, il faut au moins 1 million de personnes. Mais on ne peut y aller qu'une fois tous les 2 ans. Si on envoie 100 personnes à chaque fois, il faut prévoir 10 000 voyages. Il faudra donc compter environ entre 20 et 50 rendez-vous Terre-Mars. Donc il faudra entre 40 à 100 ans pour établir une civilisation entièrement autonome sur Mars. Quand on écoute Elon Musk dans ce discours, on se dit qu'on est dans de la science-fiction totale. Je ne vois pas l'intérêt d'envoyer 1 million de personnes et d'utiliser 50 créneaux martiens qui vont nous prendre un siècle. Je vois l'intérêt d'envoyer des hommes sur Mars pour, par exemple, je leur verrai une utilité très très intéressante, c'est forer 1 kilomètre de profondeur pour savoir s'il n'y a pas des bactéries en dessous. Mars n'est pas un plan B. Qu'est-ce que ça veut dire un plan B? Ça veut dire que la Terre va devenir inhabitable. C'est ça le discours qui est derrière Elon Musk. Donc vite, on va vite se préoccuper d'envoyer quelques happy few sur Mars. Quelques happy few. Ça veut dire, business as usual, on continue à polluer, on salope tout et après on s'en va. Or, l'homme sur Mars, c'est pas vu de la NASA, c'est pas ça. C'est pas la colonisation de Mars. C'est un petit peu une démarche à la Far West, c'est-à-dire qu'on part pour aller la nouvelle frontière, c'est plutôt ça l'image, mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester en permanence. L'homme sur Mars, c'est un consensus très fort, à la fois de la NASA, du Congrès américain et du président actuel, y compris son prédécesseur. C'est-à-dire que à long terme, la roadmap, la feuille de route, sur 10, 20, 30, 40 ans, c'est l'homme sur Mars. Et la question, c'est comment on fait pour y aller? Comment on fait pour développer tout ce qu'il faut développer pour y aller? C'est là où on est dans ce débat-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui est complexe, qui va coûter très cher. Moins cher néanmoins que ce que les Américains ont dépensé pour faire la guerre en Irak. Donc finalement, financièrement, ils peuvent se le payer. Simplement, on ne va pas le faire à la Kennedy. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un go dans 9 ans, on y est. Pourquoi? Parce que l'effort est beaucoup trop important. Le budget fédéral américain ne le permettra pas en termes de finances. Donc il va falloir un petit peu étaler dans le temps les dépenses. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des étapes. Et ces étapes, c'est on va probablement passer par l'orbite lunaire. Aujourd'hui, la NASA veut faire une station spatiale en orbite lunaire. C'est écrit, c'est en préparation. Pour cela, la NASA développe une nouvelle Saturne V, gros lanceur qu'on appelle le Space Launch System, ou SLS, développe une capsule à la Apollo, qu'on appelle la capsule Orion, dans laquelle on peut mettre 4 ou 6 personnes suivant les configurations. Les systèmes de transport lointain pour aller de la Terre à la Lune vont être pas très différents des systèmes de transport lointain qui iront peut-être de la Terre à Mars ou de l'orbite lunaire à Mars. Donc finalement, on prépare, on développe des outils. Et donc ça va être long parce qu'il va falloir développer, par exemple, un module pour poser 6 hommes sur Mars et il va faire 20 ou 40 tonnes. Aujourd'hui, ce véhicule, on ne sait même pas comment il sera. Et l'homme sur Mars, donc c'est plutôt 2050 réellement en tant que base martienne. Depuis l'enregistrement de cette émission, le robot Curiosity s'est remis à forer activement et a découvert de nombreuses molécules très complexes à 5 cm de profondeur dans le sol martien. Un fond régulier d'émanation de méthane a aussi été identifié. L'origine de ce méthane reste inconnue. Elle peut être minéralogique ou biologique. On ne peut toujours pas affirmer qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie sur Mars. Francis Rocard est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à Mars, les derniers, une exploration photographique avec Alfred McEwen et Xavier Barral aux éditions Xavier Barral. Il y a aussi Quelle est la véritable histoire du système solaire avec Florence Chiavassa aux éditions du Pommier. Vous trouverez également sur le site du CNES de nombreuses informations sur Mars ainsi que de très belles photos. Les aventuriers se déclinent en livres cet été dans les grandes épopées qui ont fait la science, paru chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Un chapitre signé Francis Rocard est consacré à Mars. Quant aux émissions, toutes celles de cette série sont à votre disposition sur le site de France Inter pour que vous puissiez les podcaster avant de partir en vacances. Clément Baudet réalise Les Aventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Juliette Delperrou et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. La semaine prochaine, Les Aventuriers de samedi et de dimanche seront consacrés à l'intelligence animale avec Georges Chapoutier samedi et Norine Chai dimanche.